boys and girls, this is Rip and Roach. Allez, on monte le son, on prévient les voisins, c'est Pop and Rock. You're the one that they used to hate, but they like you now. And everything that goes away will return somehow. They're the ones that spit on you, cause they got your heart. I'm the one that will follow you, you're my Joan of Arc. Joan of Arc. Oh. prête parce que ce soir on fonce sur un pop and rock survitaminé. Après Arcade Fire à l'instant, on va s'envoler avec Juliette and the Leaks, Got Love to Kill. Belle promesse. Baby. Allez, toujours bien calé dans Pop and Rock. Et dans Pop and Rock, les adeptes de Sisters of Mercy vont être servis, puisqu'à l'instant, on a écouté Vision Sing et on enchaîne avec la bande à Andrew pour un nouveau morceau. Le morceau s'appelle Dr. Jeep. Sisters of Mercy. Thank you. Steps avec un instant Hypnotize. Ça, c'est signé Jack White. Jack White, vous vous souvenez, c'est l'hyperactif du rock. Gros caractère, gros talent, grosse guitare, super groupé. Tout de suite, on va écouter The Raconteurs avec un morceau qui s'appelle Born and Raised. We'll be right back. Block Party avec Banquette. Ça, c'était en 2005. Et en 2005, on écoutait aussi ça. If you have a heart, I'll get them, maybe you're gone. knot like a ball in a chain. All I wanna do is get off. D'un groupe rock new-yorkais qui s'appelle Interpol. Le premier morceau s'appelle Slow Hands, qu'on enchaînera avec PDA, Interpol. I might stop and look upon your face, disappear in the sweet. petite respiration avec un instant Sunburn, donc Muse, un groupe que je n'avais jamais passé dans Pop and Rock, ça c'était un manque. Alors pour me rattraper, je vous passe un deuxième morceau. Ce morceau s'appelle Showbiz, c'est le titre éponyme de l'album de Muse. Skin. 2005 faisait donc Showbiz, et on va partir 5 ans plus tard pour retrouver en 2010 un groupe qui s'appelle Uniform, le morceau s'appelle Fragile. Il est sorti en 2010. Si vous avez aimé Fragile, vous aimerez aussi ce second morceau de Uniform qui s'appelle Holy Destiny. Here we cry. Moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, bis à tous. I'm feeling happy, so happy.